Si vous n'avez pas eu de problème avec le test, écoutez maintenant la prochaine conversation à la réception. Vous voulez appeler le numéro maintenant ? Quelle heure est-il ? Il est 10h05. Non, peut-être plus tard. Comme vous voulez, madame. Eh bien, votre stylo. Oh, merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame. So, perhaps Madame Mathieu will phone Gallery Lafayette later, or perhaps not. The important thing is that after returning the receptionist's pen, she goes, leaving the receptionist to George and Hélène.